oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! Le mot vaccin n'aura peut-être jamais été autant prononcé que depuis le début de la pandémie de Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui une petite dose d'histoire et un retour dans le temps pour comprendre la longue route de l'invention des vaccins. Témoin des prouesses médicales, mais aussi des obstacles opposés par le vivant, cette révolution vaccinale à la croisée de disciplines comme la virologie, l'immunologie ou encore la génétique continue, on va le voir, de s'écrire au présent. Vaccin, piqûre de rappel, c'est le parcours de santé publique que nous vous proposons de réaliser aujourd'hui. Bienvenue dans Eureka. Et pour retracer cette histoire des vaccins, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Françoise Salvadori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en virologie et immunologie et co-autrice du livre Antivax, résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours, paru aux éditions Vendémiaire. Et nous sommes également en ligne avec Anne-Marie Moulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, philosophe, directrice de recherche émérite au laboratoire Sphère du CNRS. Et pour démarrer cette émission, Françoise Salvadori, avant de parler du tout premier vaccin, j'aimerais que vous nous rappeliez un peu ce que l'on savait à la fin du XVIIIe siècle sur l'immunité humaine. Est-ce qu'on agit encore totalement dans le flou à cette époque-là ? Ah oui, à ce moment-là, on ne connaît pas l'immunologie, l'immunité même, ou alors ce terme n'a pas du tout le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. Ce qui est intéressant en effet de noter, c'est que les vaccins, les premiers vaccins, les essais de vaccins, qui ne s'appelaient encore pas des vaccins d'ailleurs, ont existé bien avant qu'on ne développe cette discipline bien particulière maintenant, très très riche, très féconde, qui s'appelle l'immunologie et qui date finalement du début du XXe siècle. Si on avant, rentre... c'était ouais. De la pratique, des observations, de l'empirisme, et on va en... Justement, parlons-en un petit peu de ces pratiques. Quelles pratiques d'immunisation existaient avant même l'invention des vaccins ? Alors, les premières observations sont anciennes, très très difficiles à dater. Elles semblent plutôt venir d'Orient. Et les premières pratiques sont celles qu'on appelle la variolisation. En fait, il s'agissait de prélever sur quelqu'un qui avait une forme, si possible, pas trop grave de variole, un petit peu de pu d'un bouton. Et ce petit fragment de pu, il était manipulé, éventuellement, en tout cas desséché, et il était réintroduit sous la peau, ou parfois dans certains pays, dans le nez. Ceci reposait sur l'idée qu'on avait sur l'observation ancienne, qu'on avait la variole qu'une seule fois. Si on la donnait sous une forme relativement bénigne, on s'en prémunissait à vie, en tout cas sous une forme plus maligne. Anne-Marie Moulin, cette pratique de la variolisation, elle a été importée en Europe au début du XVIIIe siècle. Par qui est-ce qu'elle a été importée et pour quelles raisons cette pratique a commencé à se développer ? Elle a été importée par une dame. Et c'est parce que c'est une dame que j'insiste évidemment là-dessus, parce que c'est une femme assez incroyable. C'était la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, qui, ayant entendu dire autour d'elle qu'on pouvait protéger de la variole les enfants, a fait expérimenter cela sur son propre fils, qui a été inoculé par la variole, par le chirurgien de l'ambassade, et ensuite, rentrée en Angleterre, s'est faite la champion de cette pratique, en particulier en bénéficiant de l'appui de la cour qui a elle-même procédé à des essais sur des condamnés pour vérifier l'efficacité de la pratique. Mmh. François Salvadori, est-ce que cette pratique de la variolisation a connu un succès immédiat en Europe ? Et à quoi ressemblaient finalement les premiers essais et tests de sortes de vaccins qu'on n'appelait pas encore évidemment vaccins ? Alors, il s'agissait pas réellement d'essais. C'était une pratique de salon. Il y a des médecins qui s'étaient un peu spécialisés là-dedans, en Europe occidentale, des médecins inoculateurs, qui étaient parfois un peu mal vus parce qu'ils se faisaient de l'argent à faire ça, et qui étaient parfois mal vus aussi de leurs collègues parce que cette pratique n'était pas réellement une pratique médicale. On ne savait pas comment la classer. ça n'avait rien à voir avec de la médecine, en tout cas de l'époque. Et donc c'était de toute façon une pratique très minoritaire qui n'était pas sans danger, puisque on inoculait tout de même la variole, et donc la mortalité par la variolisation était bien moindre que la mortalité par la maladie. Mais donc on peut déjà parler de bénéfice par rapport à un risque, mais c'était assez difficile de l'évaluer à ce moment-là. Il n'y a pas réellement de chiffres, il n'y a pas de statistiques, bien sûr, d'état à ce moment-là. Pour préparer un vaccin antivariolique, vous prélevez sur le flanc d'une vache infectée de la lymphe vaccinale. Vous battez bien le liquide brunâtre d'un mouvement à grande vitesse qui en sépare les éléments. On obtient ainsi un nombre important de corpuscules qui sont placés dans un liquide soluble en vue de l'injection. Jusqu'alors, la médecine officielle soignait en évacuant, saignée, purgation, etc. Voici que la médecine se met à faire entrer dans le corps des choses, qu'automatiquement les populations considéraient comme étant mauvaises puisqu'elles donnaient une maladie. D'où les résistances depuis le début du siècle à l'inoculation de la variole et, à partir de 1800, à la vaccination, qui est aussi une entrée de quelque chose. Or, ce qu'on fait entrer, c'est un liquide qui est sorti du corps d'une vache. Et non seulement le peuple des campagnes, mais les gens des villes ont commencé à avoir toute une série de fantasmes et d'imaginations sur le fait que la vaccination, comme son nom l'indique, allait les avachir et qu'ils allaient être mutés, qu'ils allaient muer en bovins. On en arrive donc à la fin du XVIIIe siècle, Anne-Marie Moulin, avec un personnage clé dans l'histoire de la vaccination, le père de l'immunologie, Edward Jenner. Qui était-il et quelles observations il a réalisées? C'était un médecin, un simple médecin de campagne, mais avec des ambitions scientifiques certaines. Il correspondait avec la Royal Society et il a entendu parler par ses interlocuteurs de la campagne et par les fermiers que les laitières et le personnel qui traillait les vaches, quand il avait eu ses boutons sur les mains, étaient exempts de la variole. Et fort de cette observation, il était lui-même inoculateur de la variole. Avec cette même lancette avec laquelle il inoculait la variole, il a inoculé la vaccine, c'est-à-dire cette maladie de la vache. Et non seulement il l'a inoculée à un jeune garçon, mais pour être sûr que c'était efficace, il lui a ensuite inoculé la variole pour constater que celle-ci ne prenait plus, par conséquent qu'il était bien protégé. Et à partir de là, c'est la carrière éblouissante de Jenner et aussi, bien sûr, de la vaccine, dont le nom est devenu proverbial. François Salvadori, est-ce que cette vaccine connaît un succès immédiat? C'est très difficile à dire, là aussi, parce que les statistiques, encore une fois, n'existent pas. Au-delà des statistiques, je parlais plutôt d'un succès populaire, en tout cas une reconnaissance du public. Oui, avec les réserves qui ont été faites tout à l'heure, c'est-à-dire que quand même l'idée d'inoculer du matériel animal était assez tabou. Donc c'est vrai que c'était pas unanimement reconnu. Après, il y a eu aussi un moment où on a eu un petit échec parce qu'on n'a pas compris tout de suite qu'il fallait sans doute faire des rappels. La nécessité des rappels est apparu plus tard. Donc évidemment, c'est pas encore la vaccination avec l'efficacité qu'on connaît actuellement. Elle n'est pas sans risque, d'autant que la pratique qu'on appelait à ce moment-là de bras à bras permet de, c'est-à-dire qu'au lieu de revenir systématiquement à la pustule de vache, on avait souvent affaire pour vacciner à une vaccination indirecte, c'est-à-dire qu'on prenait la pustule de quelqu'un qui avait été lui-même inoculé par le matériel animal et on inoculait à un deuxième humain, troisième humain, quatrième humain. Et donc, on transmettait également des maladies infectieuses humaines. Quel type de maladie, par exemple? Par exemple, la syphilis au XIXe siècle a été aussi colportée de cette façon-là, à partir de sujets qu'on appelait vaccinifères, qui étaient d'une certaine façon des sujets de laboratoire qu'on utilisait pour immuniser les autres. la question après de l'efficacité, là aussi, de plus en plus, la balance a penché du côté du bénéfice. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au milieu du 19e siècle, assez tôt, et même encore plus tôt pour certains pays, des États ont commencé de penser à une obligation, avec l'idée que on allait sauver tellement de vies qu'il fallait plus se priver de cette possibilité. Et donc, dès 1807 en Bavière, et surtout 1853, un grand État comme l'Angleterre est passé à un régime d'obligation. Et on y viendra bien évidemment à ces premières politiques vaccinales. J'aimerais qu'on reste un petit peu sur cette première vaccine, Anne-Marie Moulin. Pourquoi est-ce que les premiers vaccins ne concernent que la variole ? Est-ce qu'il y avait quand même d'autres maladies qui existaient à l'époque ? On pense à la peste, au choléra, la tuberculose, la syphilis, on la mentionnait. Est-ce que d'autres maladies étaient envisagées d'emblée, ou bien est-ce qu'on s'est concentré sur la variole parce que c'était celle qu'on connaissait le mieux ? On s'est beaucoup concentré sur la variole à cause de cette longue histoire qui passe par l'inoculation de la variole avant Jenner. Il y a aussi une raison. La variole est une maladie très caractérisée par des pustules, donc un matériel que l'on peut manipuler aisément. Mais en fait, vous avez tout à fait raison, il y a eu d'autres essais pour d'autres maladies, mais qui ont tourné court et qui même ont eu peut-être des conséquences dramatiques. La syphilis est au premier plan des préoccupations des médecins et des citoyens au 19e siècle. Et donc, on propose une syphilisation qui serait l'équivalent de la variolisation, à savoir prendre quelques particules, un peu de matériel d'un pus de syphilitique, d'un chancre syphilitique, pour employer le mot technique, et de l'inoculer à petite quantité en espérant protéger. Or, en fait, la syphilis est très différente de la variole et elle n'est pas aisément susceptible d'être protégée. La preuve d'ailleurs, au passage, c'est qu'il n'existe toujours pas de vaccin contre la syphilis. Mmh. François Salvadori, dans le petit extrait du documentaire de France 3 de 1980 que je vous ai proposé d'écouter tout à l'heure, une chose intéressante était dite et qui marque un petit peu le tournant aussi des vaccins, c'est que jusqu'alors, la médecine pratiquait plutôt le vide, la saignée. Là, on fait rentrer quelque chose dans le corps. Est-ce que ça, c'est vraiment un tournant scientifique, médical, philosophique presque, majeur de la vaccination ? Oui, c'est tout à fait intéressant puisque, comme je le disais avant, cette vaccination n'a pas été tout de suite reconnue comme une pratique médicale. Alors après Jenner, oui, elle est devenue médicale, mais avant Jenner, elle était, je dirais, profane. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a le tabou animal. Et c'est vrai que c'est à un moment aussi où il y a Darwin, l'évolution des espèces, toute cette réflexion sur l'homme qui est encore difficilement acceptable comme un animal. Et donc, l'idée qu'on inocule à un humain du matériel animal est relativement tabou. Donc, il y a des caricatures bien connues qui montrent cela. Je pense que peu de gens pensaient réellement se faire vachiser ou minotauriser, comme on l'a dit. Mais il y avait quand même une crainte à recevoir ce matériel animal. C'est évident. Et puis, bon, il y avait aussi des raisons religieuses, des raisons philosophiques qui faisaient que cette pratique contre-intuitive quand même aussi en soi, d'apporter le mal pour soigner le mal, n'allait pas d'elle, oui, dès le début. Anne-Marie Moulin, sur cette question et ce changement de paradigme, on aime beaucoup cette expression ici, mais sur ce changement de paradigme de faire rentrer quelque chose dans le corps, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ah non, moi je ne pense pas que ce soit une grande nouveauté, parce que prenez au XVIIe siècle, l'idée d'injecter dans les veines des liquides divers est tout à fait discutée par les savants dans le contexte de la Royal Society en Angleterre que j'évoquais tout à l'heure, donc au début du XVIIe siècle, avec notamment la proposition d'injecter du lait, des substances nutritives, et puis bien sûr le sang, avec les premiers essais de transfusion au début du XVIIe siècle. Même si nous avions un possible vaccin aujourd'hui, il nous faudrait encore le tester sur des humains et il faudrait plusieurs semaines. Ensuite, il nous faudrait des autorisations, des approbations, trouver les fabricants, trouver les distributeurs, il faudrait des mois. France Culture. Mais ce que nous savons, c'est que ce vaccin est le résultat du courage et de la persévérance d'un petit groupe remarquable. La première vaccination contre le MEV1 va aux personnes nées le 10 mars Eureka. Et s'ils venaient à en manquer ? Ils vont pas en manquer, ils en ont assez pour répondre à la demande, ils l'ont déjà dit. Mais peut-être que j'en ai pas besoin, que je suis immunisée comme toi. On ne courra pas ce risque. Antoine Beauchamp. On poursuit notre histoire de l'invention des vaccins et on en arrive à une figure majeure de cette histoire, c'est bien sûr Louis Pasteur. Alors François Salvadori, on peut peut-être, avant de parler des travaux déterminants de Pasteur sur la vaccination, rappeler un petit peu où il en était de ses travaux et ce qu'il a pu établir avant même de se pencher sur la question des vaccins. Alors, après avoir fait de la physique puis de la chimie, Pasteur s'est intéressé aux germes, enfin, et vraiment était devenu passionné et de le grand, une de ses grandes découvertes, peut-être un moins connue que le vaccin contre la rage, c'est justement l'idée qu'un germe donne une maladie infectieuse. C'est-à-dire que pour chaque maladie infectieuse, on peut isoler un germe et que ce germe donnera plus ou moins la même maladie avec des formes éventuellement différentes, mais la même maladie. Et c'est à partir de là qu'il a pu finalement commencer à réfléchir en faisant des observations notées dans des cahiers, donc avec des raisonnements de plus en plus scientifiques ou en tout cas notées, donc reproductibles et donc éventuellement reproductibles aussi par les autres, sur le choléra des poules, qui lui a permis de montrer que des poules qui recevaient des bacilles atténuées parce qu'ils étaient tout simplement vieillis, des cultures vieillies, et ces poules n'étaient plus malades de la même façon et surtout étaient protégées contre une infection de bacilles virulents. C'est là donc premières expériences sur les poules, puis sur les moutons, avant d'en arriver aux chiens et aux lapins de la rage, oui. Et finalement à l'histoire qu'on connaît, mais qui était assez précipitée pour lui. Il n'avait pas en tête tout de suite d'immuniser un humain quand on lui a amené Meister. Et surtout, François Salvadori, Pasteur n'avait aucune connaissance, on le rappelle, en immunité. L'immunologie n'est toujours pas née à ce moment-là. Ah non, l'immunologie n'est pas née. C'est sûr que l'immunologie a suivi les premiers essais de vaccination raisonnés par Pasteur, c'est-à-dire de mise au point de plus en plus technique et avec des protocoles établis de cette atténuation de bacilles. Mmh. Bacilles qu'il pouvait observer dans le cas du choléra des poules, dans le cas du charbon des moutons, mais qu'il ne pouvait pas observer dans le cas de la rage. C'est d'autant plus intéressant à noter, c'est que ce virus, il ne pouvait évidemment pas le voir sous son microscope. Oui. Anne-Marie Moulin, François Salvadori évoquait un concept clé, c'est celui de méthode scientifique, et Pasteur cherche tout de suite à établir une méthode reproductible. Alors comment il va réussir à maîtriser cette fameuse atténuation microbienne qui le met sur la voie du vaccin ? Oh, il ne la maîtrise pas d'emblée, il tâtonne, et il a aussi quelques précurseurs. Évidemment, la gloire de Pasteur a un peu éclipsé tous les autres. Mais en fait, c'est au milieu d'une effervescence scientifique que Pasteur a essayé d'atténuer ce qu'on appelle encore les virus, qu'on dirait les microbes aujourd'hui, plus généralement, puisque les virus ne sont pas identifiés. Et comment atténuer la virulence de ces microbes ? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Il y a, par exemple, les chauffer, les vieillir, comme ça a été dit tout à l'heure, ou bien encore les passer sur des animaux successivement, et on observe que finalement, la virulence des microbes, quand on les transmet d'un animal à l'autre, suit une courbe décroissante qui permet à la fin d'obtenir des microbes d'une virulence diminuée et susceptible de déclencher une protection chez l'animal et éventuellement chez l'homme. Mmh. François Salvadori, vous évoquiez donc les premiers travaux de Pasteur sur le choléra des poules, qui lui permet de mettre en place ce protocole d'atténuation microbienne. Ensuite, il s'attaque à la maladie du charbon chez les moutons. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur cette maladie-là et comment Pasteur parvient à mettre au point finalement un premier vaccin déjà ? Alors sur le charbon des moutons, il y avait plusieurs, c'est assez polémique encore actuellement parce qu'il y a plusieurs méthodes d'inactivation, comme l'a souligné Anne-Marie Moulin, la méthode n'est pas immédiate, bien sûr c'est par tâtonnement, et lui-même avait un protocole, ses collaborateurs en avaient un autre, on n'est pas exactement certain, en tout cas il faudrait, enfin ça a été étudié, mais on peut rentrer dans les détails ici du protocole qui a été étudié, utilisé spécialement le jour de cette grande vaccination médiatisée, on pourrait dire, puisqu'en fait, il s'est mis d'accord avec un vétérinaire de la banlieue parisienne. Il a donc utilisé un certain nombre de moutons. Ces moutons ont été séparés en deux lots. Un premier lot a reçu le vaccin. Un deuxième lot n'a pas reçu le vaccin. Ensuite, il a fait ce qu'on appelle un challenge en immunologie, c'est-à-dire qu'il a injecté au mouton le bacille du charbon virulent. Et en fait, le succès a été absolument éclatant, puisque 100% des moutons vaccinés ont survécu et 100% des moutons non vaccinés sont morts. Et là, il avait convoqué... Monsieur Von, aucun doute, hélas. Votre chien avait la rage. La rage? Alors le pied foutu. Il reste peut-être une chance. Vous connaissez Pasteur? Depuis 4 ans, il cherche à guérir la rage. Il faut tenter le coup. C'est un pari terrible, Pasteur. Si l'enfant meurt, vos ennemis vont se déchaîner. Il ne s'agit plus d'un pari, monsieur. Si je ne fais rien, cet enfant va mourir d'une mort atroce. Allez-y. Je vous soutiendrai s'il le faut. Merci, monsieur le professeur. Excusez-nous, François Salvadori, Pasteur vous a marché sur les pieds. On entendait dans ce son, dans cet extrait d'un film des années 80 sur Pasteur, un petit peu le coup de poker de Louis Pasteur, à savoir le passage d'une vaccination contre la rage à l'humain. Avant d'en arriver là, bien évidemment, il avait fait des travaux sur des animaux. Anne-Marie Moulin, est-ce qu'on pourrait quand même peut-être rappeler un petit peu les travaux autour de la rage que Pasteur a réalisé avec Émile Roux et pourquoi ils se sont attaqués à ce virus-là de la rage en particulier? Ah, pourquoi la rage? Parce que la rage n'entraînait pas un nombre de morts incroyable par rapport à beaucoup d'autres maladies. Il est probable que la rage a frappé Pasteur dans son enfance. Il avait entendu les cris de quelqu'un qui avait été mordu et à l'époque, on appliquait un fer rouge, vieille technique médiévale, pour stopper le poison. Et les cris restaient probablement dans l'esprit de l'enfant qui avait été Pasteur. Et donc, c'était une maladie spectaculaire. Au passage, je ferai remarquer qu'elle existe encore et qu'elle est tout aussi spectaculaire et que malheureusement, il y a encore aujourd'hui des enfants au Maghreb, ailleurs, en Amérique latine, qui meurent de la rage. Donc, c'est une maladie spectaculaire et une maladie encore aujourd'hui pratiquement inéluctablement mortelle. Et je pense que ce sont toutes ces caractéristiques qui ont décidé Pasteur à s'y intéresser et à commencer les travaux, des travaux qui, par ailleurs, avaient été déjà inaugurés par des vétérinaires qui avaient inoculé la salive de l'animal enragé à des lapins, des cobayes, etc. Donc, dans ce domaine, il y avait déjà des choses de fait et ce sont ces travaux que Pasteur a repris brillamment au point d'obtenir un virus, un microbe atténué par de longues manœuvres qu'il a à son tour inoculé au jeune Joseph Meister. Oui, on va y venir bien évidemment à cette inoculation-là à Joseph Meister. Peut-être qu'on peut rappeler quand même, François Salvadori, les expériences qui sont pas forcément très ragoûtantes mais qui sont importantes quand même sur des chiens puis ensuite des lapins qu'a réalisé Pasteur avec Émile Roux autour de la rage. Oui, en fait, il a réussi à fixer ce qu'il appelait la fixation du virus, du microbe, par dessiccation. Donc, il prenait des moelles de lapin qu'il laissait dessécher, qu'il soumettait à l'effet de différents gaz. Il a essayé aussi des produits chimiques. Donc, l'idée était d'aboutir à une fixation de cet état qui reste immunisante, mais sans être toxique. Voilà. Et donc, il faisait ces manœuvres à partir sur de nombreux lapins. Il prélevait des moelles épinières de lapins enragés et il testait sur des chiens. Voilà. Et donc, il en était là. Il avait bien avancé, il avait trouvé ce moyen de justement suffisamment modifier le virus, enfin le matériel, pour qu'il reste immunisant. Mais évidemment, il ne pensait pas encore à passer chez l'humain tout de suite. Et on entend bien dans cet extrait de film qu'il s'est trouvé dans une situation où il n'a pas pu dire non d'une certaine façon, puisque la vie d'un enfant était en jeu et que il y avait toute une... Et qu'est-ce que François Salvadori, Pasteur, craignait justement dans le fait de passer à l'homme? Qu'est-ce qui le bloquait dans cette idée-là? Il n'était pas totalement sûr de lui. Et puis, il n'était pas médecin. Et puis, je pense qu'il pensait aussi qu'il aurait toute la communauté médicale contre lui. Il n'était pas le héros dont on parle aujourd'hui. Hein, enfin, il était déjà, il commençait d'être un très, très renommé, respecté. Mais c'est quelqu'un qui a eu toujours contre lui une certaine partie des médecins. Il avait des convictions politiques très conservatrices, il était très catholique, il avait beaucoup d'opposants contre sa personnalité, il y avait aussi beaucoup d'opposition contre ses manipulations sur les animaux. Donc il y avait toutes les ligues anti-vivisectionnistes contre lui. Et c'est là qu'on en arrive finalement à l'histoire du petit Joseph Meister, Anne-Marie Moulin. Je vous ai interrompu tout à l'heure puisqu'on y vient maintenant, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment Pasteur a sauté le pas et a fait ce coup de poker demeuré célèbre et encore discuté beaucoup aujourd'hui? Voilà, une partie de ce coup de poker vient, je pense, d'un autre choc émotif. C'était un Alsacien, un petit Alsacien dans l'Alsace allemande et qui demandait du secours. Et je pense que les images d'Épinal qui nous montrent une mère alsacienne avec le costume local et en présence de Pasteur, évidemment une image complètement inventée, montrent bien que là il y a eu un choc émotif. Un petit Alsacien venait à Paris pour tenter d'être sauvé par le grand savant français. Je pense qu'il y a là quelque chose auquel Pasteur ne pouvait pas résister. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Le petit Joseph Meister a donc été mordu par un chien enragé. Comment les choses se sont enclenchées et rapidement? Ça s'est enclenché assez rapidement. Il a été pansé par un médecin et il a été question d'un grand savant à Paris qui faisait quelque chose et qui peut-être pourrait sauver l'enfant. Et c'est comme cela qu'avec l'aide de personnalités locales, il a été mis dans le train avec sa mère et qu'ils sont montés à Paris. À l'époque, monter à Paris, c'était quand même un grand événement, une longue traversée. Et l'enfant a été pris en charge littéralement par Pasteur et son entourage. Pasteur prenait de ses nouvelles régulièrement après que finalement le vaccin se soit révélé positif. Et comme vous savez sans doute, le petit Meister a terminé sa carrière comme fonctionnaire à l'Institut Pasteur. Mmh. François Salvadori, quelle place occupe cette première vaccination dans l'histoire de la révolution vaccinale, pour la nommer ainsi? Est-ce que c'est vraiment là que les choses s'enclenchent véritablement? Alors, le grand progrès, je dirais, enfin la nouveauté et l'espoir énorme, c'est que on a enfin réussi à protéger contre une nouvelle maladie. On a dit tout à l'heure que jusqu'alors tout tournait autour de la variole, puisque d'autres essais avaient échoué. Et donc là, on a affaire à une autre maladie. Certes, pas une maladie absolument... pas la maladie qui donne le plus de morts à l'époque, c'est certain, mais une maladie très spectaculaire, donc oui, c'est très important. Et puis surtout, Pasteur, très vite, se convainc lui-même et essaie de convaincre autour de lui que, comme on a la théorie des germes et que donc chaque germe donne une maladie, et qu'avec patience et méthode, on va réussir à atténuer ou d'activer tous les germes, c'est un petit peu la grande prophétie de Pasteur de penser qu'on pourra vacciner contre toutes les maladies à l'avenir. Donc c'était vraiment un avenir radieux qui s'ouvre après Pasteur, dans sa tête en tout cas. Bon, il avait partiellement raison. C'était le début de... Ça a ouvert la voie à beaucoup d'autres vaccinations. Un peu tort aussi, puisque malheureusement, on voit bien que toutes les maladies ne sont pas vaincues. Anne-Marie Moulin, vous évoquiez tout à l'heure l'aspect très médiatique de cette première expérience de vaccination chez l'humain. Quelle réception publique elle a? Est-ce que la nouvelle, finalement, fait le tour du monde immédiatement? Elle a déclenché un enthousiasme incroyable. On sait que la Russie, par exemple, a envoyé des moujiks mordus par des loups, dont la presse, bien sûr, s'est faite l'écho, mais aussi d'Algérie. On voit arriver des Bédouins qui viennent, traversent la Méditerranée, viennent se faire vacciner. Ça a un impact mondial et dont découle immédiatement la fondation de l'Institut Pasteur. À cet égard, l'Institut Pasteur a résulté en partie d'une souscription, et on peut souligner que cette souscription a été ouverte par pratiquement tous les journaux de l'époque, de la droite à la gauche. Et ces instituts Pasteur s'ouvrent dans le monde entier avec les découvertes qu'on connaît, par exemple plus tard, bien sûr, par Alexandre Yersin, la découverte du bacille de la peste. François Salvadori, ces découvertes-là, ces expériences-là, est-ce qu'elles ont des traductions dans les politiques sanitaires de l'époque, si tant est qu'on puisse parler de politique sanitaire encore dans les années 1880, est-ce qu'il y a des traductions de politique vaccinale immédiate? Alors, à partir de l'Institut Pasteur ou de l'Hôpital Pasteur, je ne saurais le dire. Ce que je vois, c'est que même si, comme on l'a dit tout à l'heure, Pasteur n'a pas eu de son temps et en lui-même une grande curiosité, ou en tout cas c'est pas lui qui a découvert l'immunologie, mais vers la fin de sa vie, ça a commencé de s'interroger sur comment fonctionnent ces vaccins. Et donc, il a fait venir dans le jeune Institut Pasteur un certain nombre de jeunes chercheurs qui se posaient ces questions-là, dont Metchnikoff, qui est le découvreur d'une des parts de l'immunité, bien connue maintenant, qui s'appelle la phagocytose. Mm-hmm. Donc, de ce point de vue-là, il a quand même ouvert la voie. Il a ouvert la voie à l'immunologie, ça on peut le dire. Au point de vue des politiques publiques, je pourrais pas vous répondre très précisément. On peut quand même mentionner que dans ce 19e siècle-là, à partir du moment où les vaccins naissent, il y a des campagnes de vaccination obligatoires. Et puis, on arrive même au début du 20e siècle, en 1902, avec la première loi de vaccination obligatoire en France. Alors oui, mais qui concerne justement la variole. La variole, oui. Oui, voilà. Mais beaucoup plus tôt dans d'autres pays, puisque c'est 1807 en Bavière et 1853 en Angleterre. Avec quelle réception chez les citoyens anglais, allemands, français à ce moment-là? Alors, chez les Anglais, assez rapidement, les oppositions se sont manifestées et se sont durcies, puisqu'on peut penser que la première ligue nationale puis internationale contre la vaccination est née suite à ces obligations anglaises. Et donc, c'est clairement l'intrusion de l'État dans les familles et dans ce que les gens pensaient être leur vie privée qui a conduit à ça. En Allemagne, c'est moins bien documenté. Et en France, l'obligation a été beaucoup plus lente dans les faits, puisque en 1902, en effet, une première loi, mais on observe plutôt que c'est après la Seconde Guerre mondiale que la vaccination obligatoire s'est vraiment traduite dans les faits. Mmh. Avec un grand rôle de l'école, d'ailleurs, dans tout ça. Bien sûr. Anne-Marie Moulin, sur cette politique vaccinale naissante. Sur la politique vaccinale naissante, en fait, c'est la variole qui la résume beaucoup. Et la variole ne doit rien à la période pasteurienne. Mais dans l'école pasteurienne, se sont élaborés à la fin du 19e d'autres vaccins, comme le vaccin contre le choléra ou le vaccin contre la peste. Mais ce sont des vaccins qui, pour le moment, n'ont pas eu de traduction en santé publique. Par contre, le vaccin contre la fièvre typhoïde va être propulsé essentiellement par la Première Guerre, où il sera administré à l'armée, et théoriquement, une grande partie des cas de typhoïde pendant la guerre ont été évités par la vaccination. Joffre a envoyé une lettre aux pasteuriens s'occupant de cette vaccination en disant « c'est vous qui avez gagné la guerre ». Et restez avec nous justement, parce qu'on va poursuivre dans un instant cette histoire de l'invention des vaccins et on va arriver après cette Première Guerre mondiale, au début des années 1920, avec un boom des mises au point de nouveaux vaccins. Down to Hit me with your best shot par Pat Benatar à 16h34 dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'histoire de l'invention des vaccins en compagnie d'Anne-Marie Moulin, médecin, philosophe, directrice de recherche émérite au laboratoire Sphère du CNRS, en compagnie également de Françoise Salvadori, docteur en virologie et immunologie et co-autrice du livre Antivax, résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, aux éditions Vendémiaire. Alors Anne-Marie Moulin, je le disais avant la pause, on arrive aux années 1920 et à cette accélération vaccinale. Peut-être qu'on peut mentionner d'emblée cette date de 1921, et la mise au point du vaccin contre la tuberculose. Ça a été vraiment toute une histoire, toute une aventure, cette mise au point du vaccin contre la tuberculose. Est-ce que vous pourriez nous la raconter? Oui, c'est une longue aventure, puisque pendant une vingtaine d'années, Calmette et Guérin, un médecin, un vétérinaire, d'où BCG, Bacille de Calmette et Guérin, ont essayé d'atténuer une souche de tuberculose bovine en la faisant passer de culture en culture sur des pommes de terre imbibées de bile. Au, je ne sais plus de 200 passages, il s'est avéré que cette souche était atténuée et aussi protectrice. Mais c'était quand même sauter le pas que faire ingérer, puisqu'au début le vaccin était donné par la bouche, faire ingérer à un jeune bébé d'une famille tuberculeuse, ce nouveau vaccin, c'est ce qu'a fait Calmette donc en 1921. François Salvadori, je le disais, les années 1920 marquent un boom dans la création de nouveaux vaccins. Alors peut-être que vous pouvez nous en donner peut-être quelques-uns, il y en a beaucoup, mais ceux qui vous semblent les plus importants. Et puis surtout, on réalise pas mal de découvertes dans le domaine de l'immunologie. Notamment, on commence à comprendre comment le corps se protège, c'est ça? Oui, alors justement là, s'oppose un petit peu deux théories. La théorie qui s'est développée à l'Institut Pasteur autour de Mechnikov, dont on a parlé tout à l'heure, qui a découvert que des cellules pouvaient en manger d'une certaine façon des microbes, ce qu'on appelle la phagocytose, qu'il a pu observer sous son microscope. Mais au même moment, les Allemands s'intéressent à d'autres pathologies et de ce fait s'intéressent à d'autres bras de l'immunité qui sont les anticorps. Donc les anticorps ont été plutôt découverts par les Allemands. Et justement, ces Allemands s'intéressaient dans l'institut fondé par Robert Koch au tétanos et à la diphtérie, deux maladies bactériennes, mais qui sont très dangereuses par les toxines qui sont produites par ces bactéries. Et donc les vaccins qui sont imaginés à ce moment-là, ce sont des vaccins d'un type nouveau qu'on appelle des vaccins anatoxines. Les toxines sont modifiées chimiquement et elles gardent leur capacité d'immunisation parce qu'elles restent assez proches de la toxine native, mais tout en perdant complètement leur toxicité. C'est-à-dire qu'on passe de l'atténuation à l'inactivation. À une activation, puis quelque chose de beaucoup plus chimique, finalement. On arrive à des techniques de biochimie, d'immunochimie. C'était en effet un tournant technique assez important qui a finalement également été important pour la suite, parce que c'est pour ces vaccins antitétaniques et antidiphtériques que les savants, en particulier les pastoriens, se sont rendus compte qu'on gagnait beaucoup à apporter un adjuvant, à ajouter une substance qu'on appelle adjuvante à ces vaccins. Et justement, quel était le rôle de ces premiers adjuvants, François Salvadori? Alors, l'adjuvant a été testé d'abord à l'Institut Pasteur et améliorer la réponse des anticorps des chevaux. Parce qu'en fait, pour le tétanos et la diphtérie, on cherchait à fabriquer ce qu'on appelle des sérums protecteurs, qui sont en fait des sérums d'animaux qui sont capables de protéger en urgence des personnes qui ont par exemple eu une blessure souillée par du tétanos. Et donc, pour fabriquer ces sérums d'animaux en grande quantité, sérums médicaments, on s'est rendu compte qu'on gagnait beaucoup à immuniser les chevaux avec l'anatoxine dont on vient de parler, plus un produit qu'on appelle un adjuvant. Donc ce produit-là a un effet majorant, adjuvant au sens propre, c'est-à-dire aide à la réponse immunitaire. Et cette technique, cette amélioration relativement empirique au début, en fait, n'a été comprise d'un point de vue purement immunologique que dans les années 1980. Mmh. Anne-Marie Moulin, on arrive progressivement au début des années 1930, et là on a quand même encore une difficulté, c'est qu'on a du mal, les scientifiques ont du mal à maintenir des virus en culture. Alors d'où vient le problème et pourquoi est-ce que c'est un frein dans le développement des vaccins? C'est un frein parce que jusqu'à présent, nous parlions de vaccins bactériens, à l'exception de la rage, qui est un cas très particulier. les bactéries sont facilement cultivables sur des milieux inertes, des milieux avec des substances faciles à trouver, tandis que les virus, dont l'existence était suspectée mais est progressivement démontrée au début du XXe siècle, les virus ne se cultivent pas sur milieux inertes. Ils se cultivent exclusivement sur milieux vivants, sur des cellules vivantes. Or, on ne sait pas maintenir des cellules en vie éternellement. Et donc, par conséquent, on n'arrive pas à cultiver les virus. C'est la culture des virus qui a représenté vraiment le pas en avant. À la fin de, dans les années 40 à 50, elle vaudra d'ailleurs 3 prix Nobel à Enders et ses compagnons. Et le truc, c'est tout simplement de cultiver les virus sur des organismes vivants comme la membrane de l'œuf embryonné. Parce que le virus, contrairement à la bactérie, est nécessaire et dépendant du milieu vivant où il se trouve. Il est dépendant de la cellule qu'il parasite. François Salvadori, vous évoquiez tout à l'heure le rôle de, des chevaux. On a parlé de poules, on parle d'œufs embryonnés, on parle de moutons. Il y a quelque chose qu'il faut souligner quand même dans cette histoire de la révolution vaccinale, c'est le rôle important qu'ont eu les animaux dans la mise au point des vaccins. Je pense par exemple contre la fièvre jaune ou contre la grippe. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu quand même cette importance-là? Oui, en effet, vous avez donné beaucoup d'exemples. c'est vrai que finalement, la vaccination vient de la vache. La vache n'est pas considérée comme un animal de laboratoire, mais en l'occurrence pour la variole et la vaccination, c'est quand même central de le rappeler. Ensuite, on a développé aussi des cultures de cellules de différents animaux, par exemple des cellules de singes, qui, étant des animaux proches de l'homme, permettent parfois de faire proliférer de faire se multiplier des virus humains. Et parfois aussi, on est obligé de, malheureusement, on manque de modèles animaux. Et dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser des cellules humaines, ce qui parfois pose quelques problèmes éthiques, puisqu'on est obligé d'utiliser des cellules embryonnaires humaines, ce qui a été parfois dénoncé. Mais les animaux, pour certains virus purement humains, le problème est justement de trouver un modèle animal. Pour le sida, le VIH, c'est particulièrement flagrant. Le manque de modèle animal est un des freins à la mise au point d'un vaccin. De vaccins et de stratégies même curatives. We must be absolutely sure. Nous devons être absolument sûrs que nous faisons quelque chose de sûr et de bon. L'une des questions à se poser est celle des méthodes de test de ce vaccin. Si vous le testez d'une certaine façon, cela peut être fait plutôt rapidement. Si vous prenez un système plus précis, vous rencontrez des problèmes techniques qui peuvent retarder la production de ce vaccin de longues semaines. Maintenant, sur le problème de la perforation de la peau, pour administrer une dose, cela n'a pas été prouvé, mais cela pourrait poser des problèmes. Tout cela est étudié quotidiennement par nos scientifiques, presque 24 heures sur 24, et par tous les scientifiques que nous pouvons mobiliser pour être certains que notre objectif de sauver des vies est atteint. Voilà la voix du président américain Eisenhower en 1954. Anne-Marie Moulin, dans ce discours, il y est question de la stratégie à suivre pour développer et tester un vaccin contre la poliomyélite. En quoi est-ce que la lutte contre cette maladie est d'une certaine façon emblématique de l'histoire des vaccins? Elle est emblématique parce que c'était la première fois qu'il y avait ce qu'on appelle maintenant des essais de masse. Jusqu'à présent, les vaccins avaient touché parfois des milliers de personnes, mais là, il s'agissait réellement d'une expérience organisée telle quelle, avec des enfants, des millions d'enfants qui ont reçu dans les villes américaines ce vaccin antipolio développé par Jonas Salk. Et ça n'était pas évidemment sans une certaine hésitation que là encore, il a fallu sauter le pas. Et nous savons bien que les politiques étaient presque en avance des scientifiques. Les scientifiques étaient inquiets. Ils avaient l'impression qu'ils n'avaient peut-être pas été au bout de tous les essais au laboratoire. Les politiques et bien sûr le président Roosevelt en premier souhaitaient avoir un vaccin, vite et bien. François Salvadori, est-ce qu'on peut dire que c'est à partir des années 50-60 que se mettent en place ces phases de tests un petit peu uniformisées telles qu'on les connaît aujourd'hui ? Ah oui, pour le vaccin polio, comme Anne-Marie Moulin vient de le rappeler, c'est très bien documenté. Par la suite, les États se dotent de d'instances qui vont justement surveiller tout ça, et aussi sous la pression de victimes d'un incident mineur, certes, mais qu'il faut peut-être rappeler, qui mérite ouais. d'être rappelé, avec ce vaccin Salk qui a été une vraie révolution, un énorme progrès, puisque il a permis quand même un certain nombre de décennies après, certes, mais on est quasiment à une éradication de la poliomyélite. Donc ce vaccin a été très très très bénéfique et il a été très très bien accueilli. Apparemment, le jour du grand succès de cette grande expérience décrite précédemment par Salk, les cloches sont sonnées dans tous les États-Unis. C'était vraiment une période, un moment, un jour béni d'une certaine façon. Le miracle vaccinal arrivait. Miracle vaccinal, voilà. Mais il y a eu évidemment une nécessité de produire beaucoup de doses et parmi les différentes petites entreprises, petites ou moyennes ou grandes entreprises qui se sont lancées dans l'aventure, quelques-unes ont un petit peu raté une étape d'inactivation. Et donc, il y a eu malheureusement quelques accidents et quelques décès. Et suite à ça, il y a eu des grands procès, comme les États-Unis peuvent le faire, et s'est établi un moyen de subventionner finalement les victimes. Qui a accompagné toutes ces étapes de mise au point, d'exigence, d'absolue sécurité pour un vaccin, puisque c'est un médicament qu'on injecte à des gens en bonne santé. C'est également dans les années 1950-1960 que se mettent en place d'autres types de vaccins, Anne-Marie Moulin, les vaccins qui ont, comme on dit, plusieurs valences, ou des vaccins combinés. Alors, qu'est-ce qui permet ces vaccins et comment ils fonctionnent ? Ah, je pensais que vous alliez me poser la question du deuxième vaccin contre la polio, puisque le vaccin que nous avons évoqué tout à l'heure, celui de Jonas Salk, a été doublé par un autre vaccin tout à fait différent, un vaccin non plus tué, mais atténué, le vaccin de Sabine, et que, avec une sorte d'éclat historique, puisque si le vaccin anti-polio a fait retentir les cloches dans toute l'Amérique, c'est le vaccin atténué de Sabine qui a été expérimenté largement dans toute l'Union soviétique. Donc on voit là, c'est ce qui c'est, cette espèce de drame à deux têtes, avec deux vaccins en rivalité, et qui finalement, heureusement, ont fini par devenir complémentaires l'un de l'autre, puisqu'aujourd'hui on utilise encore les deux vaccins qui ont des indications et des conséquences différentes. Si on en vient maintenant à cette question sur les vaccins combinés, justement les vaccins qui ont plusieurs valences, ça aussi, ça a son importance, François Salvadori, dans l'histoire de l'évolution des vaccins. Comment fonctionnent ces vaccins et qu'est-ce qu'ils permettent de faire et contre quel type de maladies ils permettent de lutter ? Alors c'est le schéma vaccinal qu'on utilise actuellement chez les enfants, donc les vaccins pédiatriques, qui peuvent porter jusqu'à 5 ou 6 valences, c'est-à-dire 5 ou 6 préparations vaccinales dans la même seringue, ce qui permet d'infliger entre guillemets qu'une seule piqûre à l'enfant. Et parfois, quand on entend des parents dire « oui, il a eu 11 vaccins obligatoires », en fait, il y en a déjà 6 dans une seule piqûre, vous voyez. Et ça permet aussi de mettre une seule dose d'adjuvant pour 5 protéines différentes, 5 préparations vaccinales différentes. C'est à la fois un progrès parce que justement c'est beaucoup plus simple pour les calendriers vaccinaux de nos pays, mais c'est aussi un problème pour l'industrie parce que l'industrie mondiale des vaccins puisque chaque pays a ses propres habitudes, voire obligations ou recommandations, et ce qui peut conduire d'une certaine façon parfois à des ruptures de stock ou des problèmes de fabrication. Parce que c'est assez contraint. 5 oui. ici, 6 ailleurs, 3 ailleurs. 11 ici. Ça peut conduire à des... Oui, on parlait tout à l'heure, François Salvadori, du miracle vaccinal qui commence à naître dans ces années 60 et qui font, enfin, ces années-là, finalement, elles font naître des espoirs aussi d'éradication de maladies dites à réservoir humain, c'est-à-dire qui ne se transmettent qu'entre humains. Et parmi ces virus, la variole est en tête et finira par être éradiquée à la fin des années 1970. À ce propos, je vous propose d'écouter cette archive. Nous sommes le 27 octobre 1979 dans le journal de France Inter. Une victoire à inscrire au crédit de l'humanité. La bataille de la variole a été gagnée. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ce fléau millénaire qui a fait plus de morts que n'importe quelle épidémie ou n'importe quelle guerre, ce fléau a complètement disparu. Les derniers cas observés dans la Corne de l'Afrique il y a quelques années ont été vaincus. Écoutez ce qu'en dit John Widret, un administrateur de l'OMS à Genève, au micro de Jean-Jacques Moria. Personnellement, je suis 100% convaincu, il n'y a plus de variole. Et on arrive en ce moment avec tous les critères remplis. On peut avoir tout à fait confiance qu'il n'y a plus. Est-ce qu'il y a un risque objectif aujourd'hui pour que la variole puisse réapparaître? Absolument pas. Le seul endroit où se trouve la variole, le virus, c'est les souches qui sont bien protégées dans certains laboratoires de recherche dans le monde. Est-ce que l'on peut envisager d'une façon saine de ne plus vacciner les gens contre la variole? Exactement, c'est ça, c'est notre but. C'est d'éliminer définitivement la vaccination. La variole, on le rappelle donc, a été la seule maladie à avoir été totalement éradiquée grâce à une vaccination massive. Anne-Marie Moulin, qu'est-ce que cette stratégie, cette nouvelle philosophie vaccinale d'éradication implique dans le développement des vaccins? Elle a impliqué que, effectivement, à la suite de la variole, il y a un programme systématique qui a été mis en place avec des espoirs concernant de très nombreuses maladies, dont évidemment la polio, mais aussi la tuberculose et d'autres maladies de par le monde. En fait, les choses se sont révélées beaucoup plus compliquées que prévu. L'éradication de la polio n'est pas chose faite. Il s'y mêle des problèmes politiques et sociaux locaux, mais aussi des difficultés réelles dues à l'évolution des virus, en particulier la possibilité que le vaccin contre la polio, qui est un vaccin vivant atténué, puisse déclencher des petites épidémies. On voit tout d'un coup se démasquer des complexités qu'on avait ignorées et eu la chance d'ignorer parce que la variole était une maladie un peu exceptionnelle, en particulier ne possédant pas de réservoir animal. Mmh. Les maladies qui ont un réservoir animal posent de beaucoup d'autres problèmes et par conséquent sont complètement, pour le moment, hors d'atteinte. François Salvadori, on arrive bientôt au terme de cette émission. On consacrait une émission cette semaine justement à la découverte de l'ADN. En parallèle, donc, dans les années 60-70, naît la biologie moléculaire. À partir du moment où on décrit la structure de l'ADN, naît la biologie moléculaire et le génie génétique. Qu'est-ce que ces naissances de disciplines-là a permis de faire dans le domaine vaccinal comme, à nouveau, troisième étape de la révolution vaccinale? Alors peut-être dans troisième et quatrième étape, puisqu'on peut distinguer l'étape du génie génétique avec des cultures in vitro qui permettent de faire fabriquer par des cellules, des bactéries le plus souvent ou des cellules de différentes natures, des protéines vaccinales. C'est le cas du vaccin contre l'hépatite B par exemple. L'étape suivante a été la stratégie utilisée pour les vaccins papillomavirus où on fait aussi produire une protéine in vitro, donc dans un flacon de culture, et cette protéine a la capacité de s'auto-assembler pour former une pseudo-particule virale. Et donc finalement, l'organisme va être leurré parce qu'il a, c'est comme si on lui injectait le virus du papillomavirus, mais ce virus est vide, donc il n'est évidemment pas infectieux. Et puis la dernière étape, c'est celle qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire les vaccins qu'on pourrait appeler génétiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de vous injecter la protéine, on va injecter l'ARN ou l'ADN qui permet à vos cellules de fabriquer elles-mêmes la protéine. Donc il suffit de trouver entre guillemets la bonne recette, le bon ARN ou le messager ou le bon ADN. Donc c'est les virus ARN messagers dont bien sûr tout le monde connaît, dont tout le monde parle actuellement, et aussi l'adénovirus recombinant dont on parle moins mais qui est aussi un très bon vaccin, les virus adéno recombinants, soit AstraZeneca, soit Sputnik. Anne-Marie Moulin, quels avantages ont ces nouveaux vaccins sur leurs prédécesseurs? Ah, ils ont des avantages évidents, à savoir d'être beaucoup plus contrôlés. Nous connaissons la séquence des protéines qui sont injectées. Nous avons un nombre de connaissances incroyables sur les réactions du système immunitaire. Nous en connaissons les trajets, mais précisément cette complexité que l'on découvre de plus en plus est de nature à susciter plus de recherches, mais aussi nécessairement plus de questions. François Salvadori, une question tout de même. On comprend que toutes les maladies en fait ne peuvent pas être l'objet d'un vaccin. Ça, comment on l'explique ? Les maladies qui posent le plus de problèmes, enfin le plus de soucis aux immunologistes et vaccinologues, ce sont les maladies qui sont les plus variables, c'est-à-dire variables parce que le taux de mutation est très important, comme pour le VIH, ou variables parce que dans le cas des maladies parasitaires, le parasite peut revêtir différentes formes. Infecter différentes cellules, et donc c'est très très difficile de fabriquer ces vaccins antiparasitaires. Et puis il y a parfois enfin ça c'est les deux exemples qui me viennent, il me semble qu'actuellement le plus gros obstacle c'est la mutation. Évidemment aussi une maladie comme le VIH c'est doublement compliqué parce que on ne connaît pas d'exemple ou de cas où finalement quelqu'un a été infecté et a réussi à monter une réponse immunitaire protectrice et stérilisante, c'est-à-dire qui le protège définitivement. Donc il faut faire d'une certaine façon mieux que ce que fait l'organisme face au virus. Et ça, jusqu'à présent, on n'a jamais trop su faire. Mmh. Pas à ce point-là, en tout cas. Anne-Marie Moulin, en quelques mots, puisqu'on arrive au terme de l'émission, quels sont, selon vous, les principaux obstacles à franchir maintenant pour le développement vaccinal ? Je souhaiterais de toute mon âme qu'il y ait des vaccins contre les parasites. On a parlé d'éradication, l'éradication du paludisme n'est pas pour demain, en grande partie parce que précisément, nous n'avons pas de vaccin. Donc les parasites sont des êtres vivants d'une plus grande complexité que les virus, et par conséquent, c'est là que devrait porter, je pense, l'effort dans les années à venir. La route est donc encore longue pour les vaccins. Merci beaucoup à toutes les deux, François Salvadori et Anne-Marie Moulin, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour nous raconter cette histoire des vaccins. Et pour terminer cette émission, on se quitte comme chaque jour en musique avec aujourd'hui le groupe Wilco, A Shot in the Arm. Merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Mundenstock, Antonin Amberger. À la réalisation cet été et jusqu'à aujourd'hui, Milena Elig. Merci beaucoup, Milena. À la technique, Dimitri Passe. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. La semaine prochaine, pour la dernière semaine déjà de Reka, nous prendrons le large lundi et nous vous raconterons l'histoire de la découverte du détroit de Magellan. Mardi, nous resterons dans l'eau puisque nous vous raconterons l'invention du plus cool des sports, le surf. Mercredi, on surfera toujours, mais cette fois en réseau et on vous parlera de l'invention d'Internet. Jeudi, il sera question de la brûlante énigme de la domestication du feu. Et enfin, vendredi, on repart en voyage et on vous dira tout sur l'invention du train. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. L'esprit d'ouverture.